¡Ay, se partió la! ¡Ay! ¡Ay, sí! ¡Hasta la más cuentona! ¡Y esto fue! ¡Ay! ¡Ay, está que chapa! ¡Está cansada! ¡Ay, por favor! ¡Cómo está cansada! Il y a une catégorie de gens très sympathiques, toujours prêts à donner conseil. Quoi que l'on dise ou ne dise pas, ils ont toujours réponse à tout. Quand dans son entourage on a le bonheur d'en avoir deux, trois à demeure, la vie pour l'or devient meilleure grâce à nos amis conseilleurs. Les Yaka pour faire ceci sont des gens très sympathiques, toujours prêts à dispenser leurs meilleurs conseils. Les Yaka pour faire cela sont des gens très diabétiques, toujours prêts à distribuer leurs avis autorisés. Quant à la suite d'un petit problème, un jour de soucis ordinaires, on ne souhaite qu'une chose avec ferveur, c'est de ne pas être dérangé. Il n'est pas rare de voir arriver un yaka qui passait par là, vous expliquer par A plus B qu'il faut faire ceci ou cela. Les yaka pour faire ceci sont des gens très sympathiques, toujours prêts à dispenser leurs meilleurs conseils. Les yaka pour faire ceci sont des gens très diabétiques, toujours prêts à distribuer leurs avis électoraux. Non mais attends, les yaka pour faire cela sont des gens très sympathiques, toujours prêts à dispenser leurs meilleurs conseils. Les yaka pour faire cela sont des gens très diabétiques, toujours prêts à distribuer leurs avis autorisés. Ce petit tableau ne serait pas complet sans une deuxième catégorie qui se marie avec la première. Leur nom à eux, c'est les taka. La différence fondamentale entre un yaka et un taka réside dans l'art de suggérer le premier conseil et l'autre émet. Les yaka pour faire ceci sont des gens très sympathiques, toujours prêts à dispenser leurs meilleurs conseils. Les yaka pour faire cela sont des gens très diabétiques, toujours prêts à distribuer leurs avis autorisés. Toujours prêts à distribuer leurs avis autorisés. Toujours prêts à distribuer leurs avis autorisés. Toujours prêts à distribuer leurs avis autorisés. Les yaka pour faire ceci sont